Bonjour les amis, welcome to French Pod America. Je m'appelle Amaury, salut à tous. This is an elementary lesson. Today we're going shoe shopping. Oh, it's something very difficult to do for me. Me too. Honestly. Kind of hate shoe shopping. Yeah, they're the most difficult thing to find the right one. Especially when you need a special kind. Yeah. You need a special color or something. So we've got a keyword today. What is it? Taille. Means size. Oui. Une taille. It's a feminine noun. That's right, yeah. Une taille. Let's hear that dialogue three times. You say the keyword again for size. Taille. Dialogue. Première écoute. Excusez-moi, vous avez ces chaussures en noir ? Non, mais nous avons ce modèle en noir. Vous voulez l'essayer ? En fait, je préfère celle-ci. Vous les avez en beige ? Oui, quelle taille vous faites ? 40. Ah, désolé, madame, il ne reste plus de taille 40. Dialogue, deuxième écoute. Excusez-moi, vous avez ces chaussures en noir ? Non, mais nous avons ce modèle en noir. Vous voulez l'essayer ? En fait, je préfère celle-ci. Vous les avez en beige ? Oui, quelle taille vous faites ? 40. Ah, désolé, madame, il ne reste plus de taille 40. Dialogue, troisième écoute. Excusez-moi, vous avez ces chaussures en noir ? Non, mais nous avons ce modèle en noir. Vous voulez l'essayer ? En fait, je préfère celle-ci. Vous les avez en beige ? Oui, quelle taille vous faites ? 40. Ah, désolé, madame, il ne reste plus de taille 40. First, let's do the translation. Excusez-moi, vous avez ces chaussures en noir? Excuse me, do you have these shoes in black? Excusez-moi, vous avez ces chaussures en noir? Excuse me, do you have these shoes in black? Excusez-moi, vous avez ces chaussures en noir? Non, mais nous avons ce modèle en noir. No, but we have this model in black. Non, mais nous avons ce modèle en noir. No, but we have this other style in black. Non, mais nous avons ce modèle en noir. Vous voulez l'essayer? Do you want to try them? Vous voulez l'essayer? Do you want to try it? Vous voulez l'essayer? En fait, je préfère celle-ci. In fact, I prefer these ones. Here. En fait, je préfère celle-ci. Actually, I like these ones here better. En fait, je préfère celle-ci. Vous les avez en beige? Do you have them in beige? Vous les avez en beige? Do you have them in beige? Vous les avez en beige? Oui. Quelle taille vous faites? Yes. What size are you? Oui. Quelle taille vous faites? Yes. What's your size? Oui. Quelle taille vous faites? 40. 40. 40. 40. 40. Ah, désolé, madame. Il ne reste plus de taille 40. Oh, sorry, ma'am. There are no more size 40s. Désolé, madame. Il ne reste plus de taille 40. Oh, sorry, ma'am. We're out of size 40. Désolé, madame. Il ne reste plus de taille 40. So let's see what happened. Okay. You're walking around a shoe store and you see some shoes that you like. But you don't like the color. You want to know if they have the color you want. What do you say? Excusez-moi, vous avez ces chaussures en noir? Okay, how do you say shoes? Chaussures. Chaussures, but these ones. Ces chaussures. Do you have these shoes? Vous avez ces chaussures? But I want it in black. En noir. So we use the word en before the color. Yeah. Here, noir. Vous avez ces chaussures en noir? And obviously, non. But, mais... Nous avons ce modèle en noir. Nous avons, here in the store, us in the store, nous avons... Ce modèle. Modal is a style or type. Yeah, this kind. Yeah, this kind. Ce modèle. In what color? En noir. And he's a good salesman. So he says, vous voulez l'essayer? Vous voulez l'essayer. Essayer is to try And also to try on. Yeah, when we talk about clothes, we use the verb essayer. But try it. L'essayer. Now, why did they say l'essayer? They're talking about shoes, which is plural, right? Yeah, but in the sentence before, it was ce modèle. Yeah, they're still talking about the modèle. Yeah. Vous voulez l'essayer? En fait, no. Why doesn't she want to try it? Because she says, je préfère celle-ci. Celle-ci. These feminine objects here. The ones here. Celle-ci. Because she's pointing at the chaussure. Uh-huh. Je préfère celle-ci. Okay. And that's for when you have a feminine object. What if it was, if she was pointing at the model? Je préfère celui-ci. Celui-ci. Mm-hmm. But since it's une chaussure feminine, it's celle-ci. These ones here. That's right. So elle préfère ce modèle, but she's flexible on the color. That's why she says, vous les avez en beige. So do you have? Vous avez? Do you have them? Vous les avez? Vous les avez. And this time, en which color? En beige. And she got lucky, because yes, oui, they have those ones. Now, he needs to know which size to bring her, so which taille. Quelle taille? In French, oui, faire a size. That's right, yeah. So, quelle taille vous faites? Quelle taille vous faites? So, quelle taille elle fait? 40. So, she gets to essayer ce modèle en beige with a taille 40. Listen. Doesn't sound good. Désolé. Désolé, madame. Il ne reste plus de taille 40. We're going to learn this as a fixed expression. Okay? Il ne reste plus de. There are no more of. There aren't any more. Il ne reste plus de. Il ne reste plus de paper. So you got to put some more in the machine. Yeah. Il ne reste plus de ce modèle en noir. And for her, il ne reste plus de what? De taille 40. That's too bad. So, she's probably going to continue this conversation. But we are going to listen to the conversation again. So, let's hear that dialogue three more times. Dialogue, première écoute. Excusez-moi, vous avez ces chaussures en noir? Non, mais nous avons ce modèle en noir. Vous voulez l'essayer? En fait, je préfère celle-ci. Vous les avez en beige? Oui, quelle taille vous faites? 40. Ah, désolé, madame, il ne reste plus de taille 40. Dialogue, deuxième écoute. Excusez-moi, vous avez ces chaussures en noir? Non, mais nous avons ce modèle en noir. Vous voulez l'essayer? En fait, je préfère celle-ci. Vous les avez en beige? Oui, quelle taille vous faites? 40. Ah, désolé, madame. Il ne reste plus de taille 40. Dialogue, troisième écoute. Excusez-moi, vous avez ces chaussures en noir? Non, mais nous avons ce modèle en noir. Vous voulez l'essayer? En fait, je préfère celle-ci. Vous les avez en beige? Oui, quelle taille vous faites? 40. Ah, désolé, madame, il ne reste plus de taille 40. Hey, I'm Marie. Yeah? I'm selling t-shirts for charity. To you? Yeah. Are you going to buy some for me? Depends. Well, I have deux modèles. Ce modèle-ci is long-sleeve t-shirts. Et ce modèle-là is short-sleeve t-shirts. Excuse-moi, Erika. What? Tu as... I know you're not going to say you're not going to buy one. It's for charity, Amory. Yeah, but at least I need to know. Tu as ce t-shirt en bleu? No, désolé. I did have some t-shirts en bleu, but il ne reste plus de bleu. But I still have some en noir and en rouge. En fait, it's for charity. It's for charity. Okay, so it's okay. I go for the noir one. Okay, so tu préfères quel modèle? The long sleeve or the short sleeve? Je préfère long sleeves. Désolé, il ne reste plus de long sleeves en noir. Want a short sleeve one? That modèle is really nice. Look at it new. It's for charity. Okay, d'accord. All right, so tu fais quelle taille? We have small, medium or large? Medium. Oh, il ne reste plus de medium. Quoi? Why don't you just get a large? I can l'essayer? Je peux l'essayer? No, you try it, you buy it. I'm sure it's gonna look fine on you. You don't need to l'essayer. Just, okay, so you're gonna take it? All right, good. It's for charity. It's good cause. Thanks, Anne-Marie. You're so generous. If the tie is too big, you can just wear it as pajamas. Okay, okay, okay. I'll take it anyway. Okay. Because it's for charity. Well, if you have any questions about this lesson, you can come to Frenchpod.com. You can ask us. So just come and leave your comments. And ask your questions. And we'll start discussions. So see you there. Salut. Merci, au revoir.